Depuis Alhambra, j'ai continué mon voyage vers la ville de Grenade, capitale d'Al-Andalus, celle qui, entre tous, était sa favorite. Ses alentours sont d'une beauté qui n'a pas d'égal dans le monde entier. Leur extension est de 40 000 et au milieu coule la rivière Genil et d'autres torrents et ruisseaux négligeables. Des vergers, des potagers, des pâturages, des propriétés et des vignobles entourent la ville de tous côtés. L'un des lieux les plus jolis est celui que l'on nomme la Fontaine des Larmes, un monticule possédant des potagers, des jardins qu'aucune autre cité ne peut se vanter d'avoir. D'ailleurs, une ville avec une telle renommée n'a pas besoin qu'on insiste pour la couvrir d'éloges.